tenu cette conférence de Daniel Kemp ayant pour titre « La finalité humaine ». À la prochaine. La finalité, c'est parce qu'on achève, c'est une fin, est-ce qu'on va parler de la fin de l'humanité, de l'apocalypse? La fin du tiers-monde? Ou du... peut-être, pourquoi pas? Une finalité, est-ce que c'est un but, un objectif, ou est-ce que c'est une fin? Bon, ça dépend évidemment de ce que c'est. Quand c'est quelque chose de positif pour la majorité des personnes, c'est un but, même si c'est une fin. Puis quand c'est négatif, ben, ce n'est pas un but, mais c'est une fin aussi. C'est une fin quand même. Alors, la finalité humaine, c'est une fin. Fait que c'est un aboutissement d'un processus, c'est un aboutissement de... Si on regarde les structures évolutionnaires ou encore tous les systèmes théologiques qui ont existé dans l'histoire de l'humanité et qui existent encore aujourd'hui, c'est un but. La finalité humaine. Alors, en même temps, c'est une finalité, évidemment. Alors, si on dit simplement, par exemple, dans certaines religions, on va dire que l'humain, à sa mort, gagne, par exemple, le paradis, il se retrouve à la droite du Père, c'est une finalité. C'est un but. Bon, dans d'autres religions, évidemment, il faut sortir d'une espèce de route de la vie qui fait que tu meurs, tu te réincarnes, tu meurs, tu te réincarnes, etc. La finalité humaine devient aussi un but. Un peu comme Siddhartha Gautama en avait parlé, comme Bouddha en avait parlé, parce que l'humain doit se sortir, s'extirper de cette roue. Donc, ça devient encore une fois un but, même si c'est une finalité du point de vue de ce que l'humain est sur le contexte planétaire. Dans le cas de la religion catholique, on entend parler, on peut lire dans la Bible, l'Apocalypse de Saint Jean. Est-ce que c'est la finalité humaine? Bon, il y a plusieurs personnes qui espèrent bien, il y a plusieurs personnes qui attendent la fin du monde depuis longtemps. La finalité humaine, ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin du monde, spirituellement. C'est la fin du monde. Mais ce n'est pas la fin du monde. La finalité humaine, ce n'est pas l'apocalypse non plus. L'apocalypse, c'est une initiation particulière qui est nécessaire pour que la majorité des personnes qui sont trop manipulées, trop magnétisées par le contexte matériel, puissent à un moment donné s'ouvrir à d'autres choses. L'apocalypse, c'est aussi une initiation lunaire particulière pour arriver à réveiller les individus qui sont trop magnétisés aussi par le contexte spirituel. L'être humain ne peut pas se conscientiser dans un contexte spirituel et l'être humain ne peut pas se conscientiser dans un contexte matériel. C'est-à-dire que l'humain a besoin de mécanique spirituelle pour nourrir son corps astral, l'humain a besoin de mécanique matérielle pour nourrir son corps vital ou son corps physique, sauf que l'humain ne peut pas, dans sa conscience, croire qu'à un moment donné, il aura le salut à travers un phénomène spirituel ou à travers un phénomène matériel. Autrement dit, les mécaniques scientifiques ne sont pas là pour sauver l'homme ou la femme ou l'enfant, elles sont là pour servir. Les mécaniques spirituelles ou théologiques sont là pour servir l'homme, elles ne sont pas là pour sauver l'homme. Alors, quand on regarde les mécaniques apocalyptiques, si on parle de l'apocalypse de Nostradamus, nécessairement, c'est dans les années 93, 97, 99, 2023 qu'il les prévoit. Quand on regarde... ça s'échelonne, hein, c'est là-dedans. Et quand on regarde l'apocalypse de Jean, on dit apocalypse, apocalyptos, qui veut dire révélation de choses passées ou présentes. Alors les gens, bon, Jean vient nous amener une apocalypse qui se posait révéler ce qui s'est passé dans le passé ou encore ce qui se passe présentement. Et les gens pensent que ce sera dans l'avenir. Et encore une fois, si on regarde à un moment donné dans l'Évangile de Luc, on a le Nazaréen qui explique des choses, puis qui parle un peu de ce que Jean va ramener dans son apocalypse, où il dira qu'il y aura un retour de Christ, qu'il y aura un antéchrist, donc un précurseur, où il y aura une façon dont le mécanique christique va revenir sans que l'humain sache comment. Et il parle dans l'avenir. Il dit dans pas grand temps. 2000 ans après, on attend toujours, et les personnes disent encore dans pas grand temps. Alors, à l'an 1900, c'était la fin du monde. 1900, c'était évident. 1800, à l'an 2000, c'est la même chose. À chaque fois qu'il y a deux zéros qui se touchent dans une année, dans une chronologie historique, les individus ont une peur folle. Après ça, on regarde les cycles planétaires. En 83, j'ai déjà expliqué que j'étais dans une boutique où on vend des livres usagés, puis il y avait un livre à vendre, c'était « La grande catastrophe de 1983 ». On était en 89 quand j'ai vu ça. Puis il expliquait dedans la fin du monde, l'éclatement de la Terre, parce qu'il y avait la conjonction planétaire, puis il y avait etc. Bon, j'espère que le gars au moins... Ben, il se drogue aujourd'hui. Ça me fait quelque chose pour oublier. J'espère que c'est pas suicidant en 82. Ben, au moins qu'il s'en rende compte que. Au Guatemala, à un moment donné, j'ai rencontré des personnes qui... c'était un bonhomme qui avait écrit la Bible de l'an 2000. C'était un Québécois, d'ailleurs, qui reste quelque part dans l'est du Québec. Et puis, il avait ramassé des Guatémaltèques. Il avait une espèce de commune. C'était une espèce de secte. Et puis, ils ont passé un mois sur le haut de la commune à manger que des bananes, à attendre que les extraterrestres viennent les sauver, parce que l'apocalypse était... Mais tout de suite. Ça, c'était en 76. Bon, il y a eu le tremblement de terre en 75 au Guatemala, mais en 76, c'était un peu calmé. Et régulièrement, l'humain s'attend à des apocalypses dans le genre. Il s'attend à l'intervention d'un phénomène divin ou à l'intervention d'un phénomène extraterrestre, intraterrestre, intérieur, personnel, divin, céleste, extra-divin, créationnel, etc. Sauf que l'humain devra probablement vivre une apocalypse prochainement. L'apocalypse, c'est la fin d'un monde, ce n'est pas la fin du monde, c'est-à-dire que l'humain change de philosophie. Quand les personnes ont dit en 1900, ce sera la fin du monde, bien, ces personnes-là avaient raison, c'était la fin d'un monde. Après ça, il y a eu l'ère technologique, etc., puis la venue de l'électricité d'une façon plus intéressante. Bon, les moteurs et la science, la médecine, excusez. Bon, j'en viens, correct, c'est bon, stop. Et puis, progressivement, ben, l'humain s'est adapté à ce nouveau monde. Après la Deuxième Guerre, Première Guerre, Deuxième Guerre, un peu la même chose. Bon, et on approche évidemment de... Là, c'est pas 2-0, c'est l'an 1000, c'est l'an 2000, c'est 3-0. Alors, 3 fois 0, ça donne... L'humain qui vit dans la matière, l'humain qui est convaincu que c'est la science qui va sauver tout ça au complet, qui va, par exemple, permettre la guérison des maladies, alors que les maladies sont souvent psychosomatiques, c'est une question d'astralité, une question d'âme. Les guérisons peuvent donc provenir aussi de la même chose. Une guérison somatique est aussi possible qu'une maladie somatique. Les personnes vont vivre une désillusion parce que c'est la science qui va participer dans l'apocalypse, à la destruction, à l'anéantissement de ce que la science a créé, c'est-à-dire les sociétés, etc. La science est extrêmement dangereuse lorsqu'elle est utilisée d'une façon guerrière. La spiritualité devra aussi être relativement maganée par l'apocalypse. Pourquoi? Parce que l'humain qui est tellement spirituel, c'est un peu comme dans le passé quand on disait, bon, ben, il y a un incendie, ben, le curé priait. Tout on disait, écoute, cesse de prier, prends un seau. Puis viens, éteindre le feu de nous autres. C'est prouvé, effectivement, que l'eau a plus d'efficacité pour éteindre un incendie que des prières. Il vaut mieux faire le seau que prendre le seau. Voilà. Alors, la prière, elle a son utilité au niveau du corps astral. Par exemple, vous avez des problèmes psychologiques, psychiatriques, vous dormez mal, on a des stress. La méditation, c'est une prière interne. Bon, là, on peut prier pour aider quelqu'un, pour une guérison somatique. Sauf qu'en attendant, c'est un tremblement de terre, t'as beau prier, il va en avoir un encore, si c'est cyclique, ça ne va rien changer. Alors, quand un volcan éclate, t'as beau faire des sacrifices humains, envoyer ça aux dieux, faire ce que tu voudras, ça va continuer à baver. Bon, c'est bavure, c'est dans les... Bon. Alors, ce que l'humain va comprendre dans l'Apocalypse, c'est que la mécanique spirituelle, non seulement ne sauvera pas l'humain, ne peut pas sauver l'humain, non seulement elle n'aime pas l'humain, elle se fout royalement de l'humain, non seulement elle n'est pas là pour protéger l'humain, c'est ça qui agresse l'humain. La mécanique spirituelle, elle est là simplement pour que l'humain l'utilise. C'est un outil que l'humain utilise, l'humain s'en sert pour se nourrir. Et l'humain, au lieu de cela, ce qu'il fait, parce qu'il n'a pas encore la conscience pour pouvoir agir comme ça, c'est qu'il nourrit la mécanique spirituelle. Comme bien souvent, il nourrit la matière, c'est-à-dire qu'il est l'esclave de la matière. Tu as une automobile, l'automobile est supposée te servir, t'es pas supposé la servir. Bon, tu as une maison, j'ai connu une personne, et elle achetait à changer son mobilier toutes les 2-3 mois. Toute la maison complète, puis c'était parce qu'elle voulait avoir des affaires neuves, puis en plus, elle mettait du polythène par-dessus tout ce qu'elle achetait, puis bon, fait que finalement, quand elle le jetait, c'était aussi neuf que quand elle l'avait acheté. Et puis, elle servait la matière. Bon, alors l'humain devra comprendre que c'est lui le maître. Même le Nazaréen, quand il donne sa prière, ou s'il finit avec le mot « Amen », qui veut dire « ainsi soit-il », c'est-à-dire c'est un ordre « ainsi soit-il », c'est qu'il en soit ainsi, ben déjà là, il faut que l'humain comprenne l'idée. L'apocalypse, c'est une mécanique qui va faire en sorte que l'humain va pouvoir découvrir au niveau physique que la science, la matière, ne peut pas être garant d'une paix. C'est l'homme, la femme, l'enfant qui sont garants de la paix. Et que la spiritualité n'est pas non plus garant de la paix. C'est encore l'homme, la femme, l'enfant qui sont garants de la paix. On fait des guerres au nom des religions. La religion n'est pas garante de paix. Bon, et on a beau dire, oui, mon ami, qu'on a juste à respecter les religions d'autrui. On a des religions qui disent très bien qu'ils doivent convertir, sans ça, ils ne gagnent pas le ciel. Fait qu'en allant là, si vous voulez respecter la religion de ces personnes-là, vous devez vous convertir. Sans ça, vous ne les respectez pas. Et puis, nécessairement, comme il n'y en a pas juste une qui veut qu'on se convertisse toutes, bien, ça crée des problèmes, ne veut pas. Est-ce qu'on peut dire que l'Apocalypse peut être sous forme individuelle? C'est-à-dire que quelqu'un qui est trop spirituel va vivre un apocalypse spirituel. Il y en a qui vivent déjà. Quelqu'un qui est trop matérialiste va vivre un apocalypse matériel. Quelqu'un qui... Habituellement, les gens vivent un apocalypse qui se fait sur toutes les plans. Parce que quand tu vis un apocalypse matériel, tu finis par plus être capable de supporter la matière, puis là, tu commences lentement à voir s'il ne faudrait pas se faire du yoga, tu médites, tu suis des cures, tu viens des conférences, tu vois des places, puis tu essayes de voir s'il n'y aurait pas une solution spirituelle. Quand les individus sont totalement dans la spiritualité, puis c'est là qu'ils sont ramassés, bien là, ils deviennent matérialistes très souvent, s'ils vivent. Alors, ils vont essayer d'obscurcir leur spiritualité, ça va être avec des narcotiques, avec de l'alcool, ou simplement avec de manger beaucoup de sexualité, des choses comme ça. Et ils vont aller vers la matière, ils vont essayer de faire de l'argent, ils vont commencer à voler autrui, parce que quand tu n'es plus spirituel, tu te dis, ben écoute, je ne vais pas m'occuper d'autrui. Et normalement, c'est pas long que la spiritualité finit par te donner les mêmes problématiques que le matériel, ce qui fait que si tu vivais un apocalypse matériel, tu vas vivre spirituellement, ce n'est pas long. Puis si tu vivais un problème spirituel, tu vas aussi le vivre dans la matière, ce n'est pas long. L'apocalypse, elle est globale. Il y a des personnes qui vivent l'apocalypse présentement, et évidemment, ça va aller en croissance au fur et à mesure que l'humain va devenir sensible. Il faut bien comprendre une chose, c'est que l'humanité ne va pas de plus en plus mal. L'humanité va de mieux en mieux. Et souvent, les gens, ils disent, oui, mon ami, qu'est-ce qu'on est dans la ville de Montréal, par exemple, ou en campagne ou ailleurs, on peut se faire attaquer, on peut... Oui, mais là, 100 ans, aller dans le Far West, puis tout le monde est armé. Puis reculons un peu, les duels, c'est sans arrêt. Puis les viols, les meurtres, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait logique qu'un homme viole la femme qu'il rencontre. À l'époque, c'était tout à fait normal. À Sparte, juste pour vous dire, pour qu'un jeune garçon devienne viril, il fallait absolument qu'un homme lui fasse la passe. Bon, c'était essentiel. Bon, c'était évident, s'il n'avait pas eu son injection rectale, c'était une tapette, il ne peut rien faire. Alors, on pense que ça va de pire en pire, ça va pas de pire en pire. Quand on regarde présentement, on découvre des choses catastrophiques dans les frères, les prêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ça il y a 20 et 30 ans. À l'époque, il n'avait plein. Bon. Puis on peut voir qu'aujourd'hui, ça va de mieux en mieux, sauf que l'humain devient de plus en plus sensible. Autrement dit, c'est qu'avant, 5 mœurs, là, ça nous achalait. Aujourd'hui, la moitié d'un, là, ça nous achale déjà. On est de plus en plus sensible. Alors, nécessairement, on vit une irritation qui est plus grande que ce qu'on vivait dans le passé, ce qui peut nous faire interpréter, nous faire amener l'idée que ça va de plus en plus mal. On est plus irritable, plus facilement irritable. Et oui, il y a de moins en moins de guerres. Bon, il y a de moins en moins de guerres. Avant, que tout le monde se battait sans arrêt. Il y a de moins en moins de guerres. Il y a de moins en moins de... On parle de la pollution. Il y a de plus en plus de conscience anti-pollueur. Dans la dernière guerre, il y a eu moins de victimes que n'importe quelle guerre précédente. Puis il y a eu peut-être plus de contestations publiques à celle-là qu'aux autres. La dernière grande guerre, c'était celle de l'Irak coalition. Il n'y a pas eu beaucoup de morts. C'est sûr que des morts, je dis pas que je suis content. Ce que j'explique simplement, c'est que ça va de mieux en mieux. Mais l'humain, étant donné que l'humain développe sa sensibilité, il est convaincu. Hein, on parlait à un moment donné des jeunes aujourd'hui qui sont dans des gangs de ci puis ça. Retournons 20 ans en arrière, c'est les motards dans les rues avec le chêne, le bebel. C'est facile, on peut facilement, en régressant un peu, se rendre compte que ce n'est pas un cadeau. Il y avait énormément, énormément de meurtres, énormément de viols, de chicanes. On regarde, par exemple, aujourd'hui, ça va de plus en plus mal, il y a de plus en plus de femmes battues. Parce qu'on en parle plus. Il y en a de moins en moins de femmes battues. Il y a de moins en moins d'enfants violés ou battus, etc. Sauf qu'évidemment, qu'il n'en faut pas beaucoup maintenant pour qu'on commence à crier. Avant, on massacrait les Inuits. Aujourd'hui, il y en a un qui va se faire tuer, puis vous allez voir comment qu'on va crier. C'est correct qu'on crie, c'est correct qu'on devienne sensible, mais ce qu'il faut comprendre, il ne faut pas non plus que notre sensibilité finisse par nous faire avoir une vision négative des structures révolutionnaires. Les choses vont de mieux en mieux, puis l'humain chiale de plus en plus, parce que l'humain devient de plus en plus sensible, et parce que l'humain a l'espoir que les choses vont s'améliorer. Ça s'améliore, mais tu deviens plus sensible. C'est un peu comme je te pince extrêmement fort, ça peine sous le sang. Là, tu as l'espoir que je vais arrêter. Là, je diminue de moitié, mais tu doubles ta sensibilité. Fait que là, pour toi, c'est la même chose. Il n'y a rien qui a eu changé. Il n'y a aucun changement. Je diminue d'un quart, tu doubles de sensibilité. Là, ça fait plus mal. Mais j'ai diminué. Je te fais de moins en moins mal, mais tu le sens de plus en plus. Alors, la sensibilité, il faut la développer. C'est ce qui va nous permettre, de toute façon, d'être capable de reconnaître les choses qui font partie de notre plan de vie, les choses qu'on doit faire, les choses qu'on ne doit pas faire. Comme je dis souvent, quand vous vous achetez de la nourriture ou quand vous voulez manger, tout le monde sait qu'est-ce qu'il doit manger. Hein? « Ah, ça, je ne devrais pas en manger. » Puis, il mange pareil. Puis, c'est là, ça y va. Les gens le savent. Après ça, la personne, elle va dire, « Ouais, mais il nous sert tellement de cochonneries. » Achète la peau. Puis de plus en plus maintenant, tu as des affaires biologiques, tu as des choses qui ont moins de bebelles, il n'y a pas de glutamate là-dedans, puis il n'y a pas de ci, puis il n'y a pas de ça. On peut trouver. Pour les apocalypses, spirituels, matériels, etc., est-ce qu'on peut dire que c'est à cause de notre sensibilité, finalement, qu'on a vu l'apocalypse? Sinon, si on était moins sensible qu'on était l'an dernier, on ne se rendrait pas compte qu'on n'a plus de problèmes, parce qu'en réalité, on n'a pas plus de problèmes. Bon, prenons un exemple. On aurait un tyran sur la planète, ça aurait pu être par exemple Saddam Hussein, qui à un moment donné réussit à faire en sorte, il réussit à conquérir le Koweït, mais le Koweït c'est un bête. Après ça, il va conquérir l'Iran. Après ça, il descend un peu plus loin, il ramasse l'Arabie Saoudite, puis il s'en va comme ça. Jusqu'à temps que là, on se dise, écoute, il faut l'arrêter. Là, à un moment donné, lui, il monte en Europe, il arrive à conquérir la France, il arrive à assujettir l'Italie. Il reprend certains pays, la Pologne, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, etc. Qu'est-ce qu'on dirait? On dirait c'est l'apocalypse. Et progressivement, il rentre en guerre contre l'Angleterre. Il commence à avoir une armement extrêmement stratégique pour faire un blocus complet au niveau de l'Atlantique, les États-Unis d'Amérique. L'Amérique ne peut plus aider la France, l'Angleterre ou l'Espagne ou ces pays-là. Qu'est-ce qu'on dirait? Mais c'est l'apocalypse totale. Ça, c'est le scénario de la Deuxième Guerre mondiale que je vous compte là. Plus ça dure des années. Ça ne dure pas 3-4 mois. Après un an, on est toujours en guerre. Et là, ici, on doit prendre les plus jeunes, les assistés sociaux, évidemment, en premier, et les chômeurs après, puis on les envoie à se battre dans un autre pays, puis ils ne reviennent pas, ils se font tuer. Les Américains font ça, les Australiens font ça, toutes les nations font ça contre une grande nation. Puis à un moment donné, on se rend compte que le Japon finit par s'allier avec Saddam Hussein. Hein? On se rend compte progressivement qu'une partie de l'Espagne, une partie de l'Italie, puis on se rend compte à un moment donné que la France met la tête à prix de celui qui veut défendre la France. C'est le général de Gaulle à l'époque, les Français ont mis sa tête à prix, parce qu'il n'était pas naziste à l'époque où la France avait été conquise. Qu'est-ce qu'on se dirait? Les suicides ici, il y en aurait-tu? C'est l'apocalypse totale. Pourquoi? Notre sensibilité. C'est le même scénario. Puis à un moment donné, on va aller foutre une bombe nucléaire. Imaginez présentement si on aurait une bombe 20 000 fois plus puissante qu'une bombe thermonucléaire, qui est déjà 300-400 fois plus puissante qu'une bombe nucléaire comme Hiroshima. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'à l'époque, on lançait de la TNT, de la trinitrotoluène. On lançait ça sur la tête du monde. Boum! Puis à un moment donné, on leur a lancé une bombe nucléaire. C'est tellement plus puissant. Mais imaginons aujourd'hui qu'on lance en Irak une bombe qui détruit l'Irak au complet d'un coup. Hein? Avant, on en lançait un paquet pour détruire une ville. Là, on a massacré Nagasaki puis Hiroshima ou à peu près. Qu'est-ce qu'on ferait? Ça serait. Bien, c'est la même chose que ce qui s'est passé lors de la Deuxième Guerre mondiale, mais les gens ici ne pourraient pas le supporter. Ils auraient l'impression que tout, c'est la fin totale de tout. Puis la majorité se suiciderait avant même que la paix arrive, convaincue que la paix n'arrivera pas. C'est la sensibilité. Et ça, il faut faire extrêmement attention. Pourquoi? Parce que sans ça, on se fait ramasser énormément dans notre psychologie à trouver que ça va de plus en plus mal. Il y a de moins en moins de racistes, mais on va crier de plus en plus qu'il y en a. Il y en a de moins en moins. Les femmes ont de plus en plus d'accès aux postes que les hommes avaient avant. Il y a encore du racisme, il y a encore des mâles qui ne comprennent pas, il y a encore des femmes qui veulent se libérer alors qu'elles sont des fois toutes libres. Il y a encore des gens qui ne comprennent pas, mais ça va de mieux en mieux. Et, qu'est-ce qui fait qu'on est plus sensible? Qu'est-ce qui a développé la sensibilité? Le fait que l'humain est de plus en plus en contact avec son esprit, le fait que l'humain est de plus en plus en contact avec son esprit, ça fait que l'humain est de plus en plus spontané. Parce que l'humain est de plus en plus spontané, on parle d'intelligence supramentale ou d'intelligence active, parce que l'humain est de plus en plus spontané, l'humain va voir sa conscience s'émanciper. Puis la conscience dans le règne animal, dont on parlait dans le règne biologique, donc l'homme, entre autres, l'homme, la femme, l'enfant, la conscience, ça se définit, tant que c'est neuronique, donc au niveau des neurones, ça se définit par la quantité de stimuli qu'on peut analyser en même temps ainsi que la profondeur de l'analyse. Parce que l'humain s'émancipe, parce que l'humain est capable de plus en plus d'analyser un paquet de choses en même temps, alors il va être capable de voir un paquet de phénomènes en même temps. Bon, à un moment donné, on avait un enfant qui se noyait quelque part, puis le monde du village, il disait, bon, frère, si je téléphone, lui, il ne peut rien savoir. Mais à un moment donné, un enfant va se noyer, puis là, ce qui va arriver, c'est que tu vois la noyade, tu vois le problème des parents, tu vois aussi peut-être le potentiel d'avenir qui était gaspillé. Là, tu commences à souffrir un peu. À un moment donné, il y a encore un enfant qui se noie, puis là, tu vois l'enfant avait 8 ans, tu vois les 8 ans de travaux des parents, les 8 ans d'alimentation qu'on lui a donné, tout le linge, toute l'énergie que la société, toute l'énergie que la nature a mis pour que le bébé finisse par avoir 8 ans. Tu vois tout ça au complet subitement, tu te dis, maudit gaspillage, que c'est idiot. Là, subitement, tu commences à voir l'intelligence qu'il y avait dans l'enfant, même s'il faisait des mauvais coups, tu commences à comprendre que ça se fait. Tu vois le potentiel, tu vois l'être qui habitait dedans, tu vois plein de choses. Tu peux analyser bien plus de choses en même temps. Tu deviens plus sensible. Là, ça te dérange de plus en plus, ça. Mais la problématique, c'est que notre sensibilité doit nous aider. Parce que si ça nous dérange plus, puis qu'on ne peut plus rien faire, il y a un problème. À un moment donné, on va dire, ça ne vaut pas la peine d'avoir des enfants. C'est pas ça du tout, ça n'a rien à voir. T'sais, ils sont géniaux, tu le vois, ça vaut la peine d'en avoir plus. C'est toujours con qu'il y ait des mortalités, des handicapés, etc. Mais c'est correct. Mais tant qu'on est sensible et qu'on comprend pas nécessairement l'intelligence qu'on n'a pas vérifié cette relation de sensibilité et d'intelligence-là, on se demande pourquoi on va faire des enfants, pourquoi les mettre dans une planète qui, en apparence, va plus mal, même si, comme tu le dis, ce que tu dis est logique, c'est vrai que ça va mieux, mais c'est vrai qu'on pense que ça va plus mal. Oui. Fait qu'on agit comme si ça allait plus mal. Oui. Si on regarde la guerre, les armements, combien de temps les gens ont il y a eu des gros mouvements contre l'armement. L'armement est rendu tellement sophistiqué que la guerre de l'Irak a pu faire en sorte que la majorité des soldats irakiens ont été épargnés, la majorité des civils irakiens ont été épargnés. Seuls les endroits cibles, il y a toujours des accidents qui arrivent. Les accidents, c'est pas juste au niveau des Irakiens. Hein? À un moment donné, il y a une colonne blindée britannique qui s'est fait attaquer par des chasseurs américains. Bon, c'est là que les Britanniques ont perdu le plus d'hommes. Il y a eu 7 qui sont morts dans 2 ou 3 transports de troupes. Parce que le chasseur américain, les blindés n'ont pas répondu au signal ami-ennemi envoyé par l'avion. Fait que l'avion a détecté que c'était des ennemis, puis le gars a tiré dessus. Après ça, la radio, il a dit en anglais, écoute, are you crazy? Il a dit non, je fais ma job. C'était l'affaire ailleurs, là. Il est revenu des troupes irakiennes. Mais ce qu'on a compris, c'est que c'est chirurgical. Le fait que l'armement soit rendu aussi perfectionné, ça le fait en sorte qu'il y a eu moins de morts. Les chasseurs bombardiers furtifs, c'est la même chose. Les Irakiens ne les détectent pas. Qu'est-ce qui se passe? On les abat pas. Abattre un avion chargé de bombes qui tombe dans une région habitée, même si les bombes sont pas amorcées, ça crée des dégâts. Mais maintenant, on ne les voit plus. Puis là, c'est juste les trucs militaires qui étaient détruits. Mais construits dans des régions populeuses. On comprend qu'il y a des petites roches qui revolent. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va de mieux en mieux. La sensibilité chez l'homme, chez la femme, chez l'enfant, elle se développe, elle va croissante. Ce qui va faire en sorte, à un moment donné, prenons l'exemple de la femme, à un moment donné, elle décide de s'émanciper. Elle en aura le bol d'être reconnue comme étant la servante du bonhomme. Pourquoi? Il n'y a rien qui a changé. Ça a toujours été comme ça. Dans le règne des animaux, c'est comme ça. Hein? Le lion, il ronfle dehors, puis il mange en premier. Il met la chasse. Bon, ben, stars. Mais à un moment donné, la femme devient plus sensible dans sa conscience. Elle a toujours été sensible au niveau astral, au niveau psychologique. C'est elle qui s'occupait des enfants, c'est elle qui décorait la maison. Elle était sensible. Elle devient sensible dans sa conscience, puis elle découvre que, oui, c'est totalement bafoué. Sa sensibilité. C'est sûr que les femmes peuvent dire, ah, ben, ça vaut pas la peine de vivre dans un monde de même. Mais tu peux aussi te dire, écoute, on va changer le monde. Tu veux changer, les hommes ne veulent pas. C'est toujours la même chose. Il y a plusieurs personnes maintenant qui veulent changer les choses à cause de leur sensibilité. Sauf qu'on doit faire attention pour ne pas noircir finalement notre vision parce qu'on devient plus sensible. Est-ce qu'on peut devenir moins sensible puis voir continuer d'être mieux percevoir, mais que ça ne nous abîme pas cette sensibilité? Oui, ce qu'il faut faire simplement, c'est qu'il faut qu'on se centre sur soi-même. On fait ça comment? On cesse de se décentrer. Se centrer sur soi-même, premièrement, c'est sûr, c'est tout un... Il y a un petit chemin à suivre. Le premier des chemins, c'est de cesser d'être collectif. Ça veut dire cesser de dépendre d'autrui en fonction de ce que nous sommes, nous autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, premièrement, ne pas manger les choses qui sont à la mode. Tu les manges, tu aimes ça, mais tu ne peux pas dire j'aime ça parce que c'est à la mode. Ça veut dire ne pas écouter la musique qui est à la mode. Ah, t'aimes ça, tu l'écoutes. Mais quand c'est plus à mode, t'aimes plus ça, t'aimes l'autre qui est maintenant à mode, puis quand il n'est plus à mode, t'aimes plus ça, là c'est la mode que t'aimes. Ça veut dire qu'on s'habille en fonction de notre énergie, on ne s'habille pas en fonction de la mode. Hein? Ça, c'est ce lien-là, c'est notre meilleur vendeur. Ah oui? Ah ben j'en apprends. Ah. Franchement, c'est pas brillant. C'est votre meilleur vendeur, moi j'ai rien contre, je t'aime pas, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que progressivement, tu n'adoptes pas les philosophies alimentaires, par exemple, c'est la mode d'être végétarien, alors on est végétarien. C'est la mode d'être carnivore, on est carnivore. C'est la mode d'aller voir des films particuliers, on voit ces films-là. L'humain doit devenir individuel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'il revienne chez lui. À ce moment-là, il va être moins sensible ou moins affecté de sa sensibilité? Non, pas encore. Il va chialer tout seul. Okay. Mais là, il va développer sa conscience. Il chialera pas. S'il va qu'on pollue trop! Pourquoi? Parce que tout le monde dit ça. Fait qu'il est du sol aussi. C'est pas ça l'idée, là. Faut que l'humain, ça le touche, lui, honnêtement. La pollution, c'est pas correct, d'accord. Mais si c'est pas correct parce que tout le monde écrit, t'as rien compris. Quand on va dire, c'est pas correct, mais les Kleenex dehors, on peut les chier, c'est pas grave. Tu vas chier des Kleenex dehors, pas grave. Tu n'as rien compris au principe de la pollution. Bon, alors lui, à la personne de comprendre un peu. Chaque être humain doit s'émanciper en fonction de lui-même, pas en fonction d'une mode. On va dire, on va prendre encore l'exemple de la femme. La femme qui décide de s'émanciper, parce que nous autres, les femmes, non, c'est pas vous autres, les femmes, c'est toi en tant qu'être humain. L'homme sera la même affaire. L'homme va dire, mais nous autres, les hommes, là, on a besoin de temps en temps. Ça, c'est le troupeau. Mais toi, tu as besoin de quoi en tant qu'humain? Bon, la femme, l'enfant, en tant qu'humain, ces personnes-là, elles sont qui? Puis qu'est-ce qu'elles ont besoin? C'est pas en fonction. Oui, mais les jeunes de 12 ans, on sait très bien que ça a toujours besoin d'eux. Là, on collectivise l'humain, fait que dans sa sensibilité, il va vivre un problème. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas capables de supporter sa sensibilité, sauf qu'il est en groupe. Puis c'est pas long que le groupe va devenir un groupe délinquant, c'est-à-dire que on va progressivement vouloir ajouter des obstructeurs de conscience, de la drogue, de la boisson, des rebelles dans le genre, parce que la personne doit être centrée sur elle pour être capable de finir par reconnaître que sa sensibilité, c'est des outils pour percevoir le monde. Les outils pour percevoir le monde, ça lui amène de l'information de façon à ajuster sa compréhension du monde. Et parce que l'humain devient centré sur lui en état individuel, progressivement, l'humain se rapproche de la finalité humaine, c'est-à-dire que l'humain va se connecter à l'intelligence supramentale, qui est l'intelligence christique. Ça fait d'ailleurs partie des processus de retour du Christ. Le Christ ne revient pas en tant que personne, c'est simplement une conscience qui ressemble à la sienne à l'époque, il y a 2000 ans, qui va habiter les individus capables d'être suffisamment ouverts, sans rien avoir avec leur religion, avec leurs ethnies, avec leur couleur de peau, leur sexe ou leur âme. C'est l'individu qui retourne à l'énergie christique et non pas l'inverse. Exactement. Quand tu commences à être centré, ce qui va arriver, c'est que là, tu vas commencer à percevoir des choses. Tu vas percevoir, par exemple, que c'est stupide de faire telle affaire. Quand la navette spatiale a explosé, ben là, ça te touche. Pourquoi? Parce que c'est la technologie humaine qui vient d'être bafouée. C'est pas la navette américaine, c'est pas ça, tu te sens pas américain. Ça touche. Bon, à un moment donné, il y a un policier dernièrement qui est abattu, puis encore là, c'est des stupidités. Lentement, l'humain devient sensible, et l'humain ramasse de l'information, et ça va engendrer chez la personne, qu'est-ce que ça va engendrer? Des questions. Ces questions-là, c'est des prémices de début de conscience. Des questions qui sont des questions individuelles. C'est, ça te touche personnellement. Puis à un moment donné, tu commences à vivre un écœurement personnel des structures du monde, tu poses des questions. Ça balance les échelles de valeurs. Ça brasse les échelles de valeur. Un carré. Oui, cet apocalypse personnel très limité. Ça brasse la spiritualité. Ça brasse aussi le domaine de la matière. Parce que ça brasse les choses. Mais là, ce qui va arriver, c'est que l'individu qui est capable de s'individualiser, donc qui cesse d'être collectif au niveau de sa conscience, l'individu qui devient donc individuel, la personne qui cesse d'être une personnalité et qui finit par être une personne, un être humain, ce qui va arriver, c'est qu'elle va développer une émancipation, elle va émanciper sa conscience, et progressivement, elle aura plus d'informations au niveau du contexte planétaire qu'elle pourra mettre en opposition avec sa conscience, et là, la conscience va commencer à lui donner des réponses. Tandis que si la personne est collective, elle sera nécessairement assujettie à une tradition. Étant assujettie à une tradition, elle va poser ses questions, et elle va espérer que la tradition va lui répondre, Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Qu'est-ce que le Talmud dit là-dessus? Qu'est-ce que le livre Bardot-Tadol dit là-dessus? Bon, qu'est-ce que la cosmogonie d'Urantia dit là-dessus? Qu'est-ce que le passé dit sur l'avenir? Mais le passé, il parle du passé. La sagesse humaine, c'est fonctionnel tant qu'il n'y a pas trop de changements. Le sage du village, il est sage tant qu'on n'y amène pas de nouveautés. Là, on vient d'amener une télévision, ne fonctionne plus. Tu vois le sage du village, il ne l'a jamais vu, lui, tu demandes qu'est-ce qu'il faut faire. Lui va dire, on n'a pas besoin de télévision. c'est juste et sage. C'est vrai. Sauf qu'à un moment donné, la société finit par s'émanciper, puis là, les personnes ont commencé à... Mon automobile ne fonctionne pas. Prends le cheval, comme toujours. Oui, mais le sage, là, qui était là avant qu'on ait le cheval, quand il a dit « mon cheval, vous êtes », qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « marche, comme toujours. » Tu le cheval. Mange-le. Le sage, c'est celui qui est capable, qui ramasse de l'expérience, puis qui peut s'en servir, on ne change pas trop. Mais vu que ça change de plus en plus, c'est intelligent que ça change. Pourquoi? Parce qu'on est dans une planète qui fonctionne avec la première loi, c'est la loi des prédateurs. On doit tuer pour manger, puis on doit se préserver, il ne faut pas se faire manger. La sagesse est remplacée par l'intelligence? Progressivement, la sagesse devient remplacée par l'intelligence. L'intelligence a la capacité, elle, d'être créative. La sagesse n'est jamais créative, elle est traditionnelle. Elle entretient les traditions. C'est bon, dans un contexte où on ne change pas trop. Moi, j'ai été en Amazonie, j'ai rencontré des populades indigènes, autochtones, très sauvages, et puis tu as des sages là-dedans, hommes ou femmes. Bon, tu as des sages. Sauf que tu ne vas pas leur amener une fois de neuf. Le sage est impeccable. Il sait comment on prend une fin sarbacane, il sait comment on fait du curare, il sait comment on doit tuer le singe pour faire peur aux autres. Il sait tout ça. Il n'y a aucun problème. Amenez-lui l'électricité dans le village avec la climatisation pour que tout soit complet. Le sage, il... Voilà. Regarde, je suis convaincu. Ah, ils l'ont réparé. C'est pas pire. Le sage, je sais pas. Il m'a dit un micro, puis il est fait. Et moi, je suis un gars qui a beaucoup de problèmes. Sinon, la prochaine fois, il faut qu'il donne le mauvais micro. Parce que moi, éventuellement, les sages auront des micros sans fil. Eh hey, oui, ça sent bien, effectivement. Ils sont venus travailler là-dessus. Bon. Donc, l'humain doit comprendre qu'il faut qu'il fasse attention à la matière. C'est important. La matière doit servir. Et puis, progressivement, la personne va finir par avoir suffisamment de nouveautés chez elle qu'elle va avoir la capacité maintenant, avec sa sensibilité, de ne pas subir la souffrance, l'écœurement, le stress, puis la désillusion face à la vie ou face aux dieux. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, elle va voir une noyade, elle va voir une guerre, elle va voir simplement une crevaison, elle va voir une connerie pour elle. Et immédiatement, il va y avoir une contrepartie au niveau de son intelligence qui va commencer à lui donner l'information qui va lui permettre de comprendre l'intelligence présente de ce qui se passe là. Je dis, comme dans le séminaire, par exemple, j'explique souvent, les personnes me demandent, le tiers-monde, c'est pourquoi il y a du monde, comme au Bangladesh, ça meurt, ça a des pauvretés, ça a des ouragans, ça a des épidémies, ça meurt encore. Pourquoi c'est tout la même affaire? Ces gens-là apprennent quoi là-dedans? C'est quelle est l'intelligence d'entretenir un deux tiers-monde? C'est des pays pauvres. C'est quoi l'intelligence? Puis là, je commence à leur expliquer les raisons intelligentes de cette mécanique-là. Il y en a plein de raisons intelligentes de cette mécanique-là. Là, les personnes comprennent qu'effectivement, c'est l'intelligence. Sauf qu'il faut faut pas avoir une conscience nombritique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être branché sur son nombril. Il faut être capable de voir l'envergure de toute la gestion évolutionnaire planétaire. Il faut être capable d'avoir une conscience planétaire, cosmique, et puis après ça, galactique, puis après ça, on sait, ouais, tu sais, universel, supra-universel, directionnel. Évidemment. Est-ce que la finalité humaine, elle est galactique, cosmique ou... La finalité humaine, c'est quoi? Ce qui va arriver, ça s'en vient dans les temps qui viennent, hein? Ça ne s'en vient pas dans les temps qui sont passés. L'être humain se sensibilise. Se sensibilisant, il va commencer, à un moment donné, à cesser d'évoluer. Quand l'humain va cesser d'évoluer, il va commencer à se conscientiser. L'évolution, c'est l'illusion de la conscientisation. L'évolution, c'est lorsque on apprend des choses. Puis plus on en apprend, plus on pense qu'on comprend. Mais chaque fois qu'il arrive du neuf, il faut qu'on apprenne. La conscientisation, c'est qu'on comprend les mécaniques, on ne les apprend pas. Comprenant la mécanique, on est capable maintenant de l'appliquer. Je donne un exemple, la personne, elle évolue et elle découvre le karma. C'est-à-dire que si elle fait le bien, elle recevra le bien, théoriquement, et si elle fait le mal, elle recevra le mal, théoriquement. Alors la personne, elle se dit, maintenant, je vais appliquer les lois du karma. Bon, alors elle se promène, et puis là, elle voit quelqu'un qui échappe un 20$ par terre, alors elle le ramasse, puis elle va lui donner. Puis après ça, ben là, elle cherche voir le 20$, qu'est-ce qui va arriver. Parce qu'elle se dit, j'ai donné 20$, je vais recevoir 20$. Ça ne fonctionne pas comme ça. Bon. Et là, par contre, la personne, elle va ajuster son karma. Et à un moment donné, elle voit quelqu'un qui est en train de se noyer, puis là, elle se dit, ben, m'allez le sauver, tu sais, parce que si je le sauve pas, j'aurai du karma noir, m'allez le sauver. Sauf que ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, c'est Adolf Hitler qui a 5 ans, qui est en train de se noyer dans une piscine. La personne, elle plonge, elle le sauve. Puis, 20 ans après, 30 ans après, la personne, elle se rend compte qu'elle a sauvé celui qui tue des millions de personnes. Karmiquement parlant, elle se sent comment, là, elle a dit, est-ce que j'ai bien fait, j'ai bien fait, elle est mieux de pas y penser. Ouais. Alors là, culpabilise, elle ne comprend plus rien. La personne qui comprend les mécaniques va savoir quoi faire dans n'importe quelle circonstance. À un moment donné, elle va, je te donne un exemple, la personne, un bonhomme, à un moment donné, qui passe quelque part, et puis il voit simplement des... Il va emprunter un canot, une barque, sur le bord d'une rivière, dans un pays en Union soviétique. Et puis, il dit à la famille, « Eh bien, je peux vous louer votre bateau. » Fait que la famille a dit, « D'accord, vous allez revenir. » Elle dit, « Oui, on vient demain matin. » Fait que le gars, la famille, il loue le bateau. Le gars, il part avec un autre bonhomme. Puis le bonhomme, celui qui louait, c'est un sage, un maître. Il part, traverse la rivière. Rendu de l'autre côté, le maître, il débarque. Puis il prend une roche, puis commence, il défonce tout le canot. Il défonce en morceaux. Le gars qui l'accompagne, il gueule après, il comprend pas. C'est quoi l'intelligence sous-jacente à ça? C'est les autres, c'est le seul canot. Ils sont pauvres. C'est leur a menti. Ils ont volé. Puis ils partent. Puis à un moment donné, ben là, un peu plus loin, le bonhomme, le vieux sage, il se couche dans un buisson, puis il dit, alors, c'est l'heure de dormir. Le gars dit, tu fous, il est midi. Il va te coucher. Il est midi. Puis là, le coup, il entend des bruits. Puis là, il voit qu'il y a une troupe de guerriers, des bandits qui s'en viennent. Fait que là, il comprend, il s'en va se cacher dans les buissons lui aussi, mais il dort pas. La troupe, elle traverse au complet, elle arrive sur le bord de la rivière. Elle voit une barque défoncée. Elle peut pas prendre la barque pour aller attaquer la famille de l'autre côté. Le sage, il savait tout ça. L'autre qui suit, c'est un gueulard, il comprend pas. Il devient sensible, il commence à connaître le karma, il commence à connaître des choses, mais il comprend rien. Après ça, il va revenir à un moment donné, puis le sage va finir par le dire. Et moi, il arrive sur le bord de l'océan, puis il y a une petite populace qui vit là, qui pêche. Puis il y a un jeune là, qui est extrêmement beau, puis tout le monde le sert. Le maître arrive à côté, il voit le jeune, il est maudit un coup en pleine face, puis il casse le nez. Puis il s'en va. Ah, l'autre n'en revient pas, tu as défiguré pour le restant de ses jours. Il dit oui, comme ça, il va cesser d'égarer tout le monde. Bon, puis le maître de l'échange continue. Ah, c'est un tyran. Tout le monde l'aimait pour sa beauté. Mais maintenant, il est là, ils vont l'aimer pour ce qu'il va être. L'intelligence, c'est souvent la même chose. L'humain, il regarde ce qui se passe, puis il comprend pas. L'intelligence frappe dur aussi, des fois. C'est faux. Parce que l'humain était dur. On regarde juste la santé. Mangez-vous bien. Bon, savez-vous qu'est-ce qu'il faut bien manger? À un moment donné, on va dire, crime, j'en sais trop, là, ça me culpabilise. Faut pas se culpabiliser. C'est parce qu'on le sait. C'est parce qu'on l'a appris. C'est parce que c'est pas conscientisé encore. Quand c'est conscientisé, là, non seulement c'est pas compliqué, puis en plus, ça ose être bon au goût. Mais tant que c'est pas conscientisé, c'est une mode de seigle bébé. Tu sais, tu veux manger bon pour la santé, ça veut dire qu'il faut que tu manges mauvais au goût. Tu sais, c'est à peu près ça. Fait que tu essaies des cossins, il n'y a pas de sucre là-dedans, ça goûte à rien, ça goûte l'eau, tu sais, puis c'est de l'eau titillée, tu sais, en plus, puis oui, donc. C'est un amancheux. Mais progressivement, quand c'est le temps, puis quand tu conscientises les cossins, tu vas reprendre des affaires que tu aimais avant, puis tu te sens pas coupable, ta sensibilité va faire en sorte qu'elle va te dire, mange pas ça. Tu ne le manges plus, ça devient facile. L'humain va se conscientiser parce qu'il devient individuel. C'est important d'être individuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire récupérer 98% de sa vie. Être individuel. Être individuel, ça ne veut pas dire qu'on s'entraide plus. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'autrui pour penser ou pour ajuster notre pensée. Et hier, j'ai vu un fantôme dans ma chambre, ça se peut-tu? Et tout le monde va dire, ben non, ça peut pas. Semblait aussi. Faut quelqu'un vient me voir qui me dit, hey, j'ai vu un fantôme dans ma chambre, ça se peut-tu? Et moi, je dis, écoute, tu l'as vu ou tu l'as pas vu? Et je l'ai vu, mais ça se peut. Écoute, bon, tu peux ça se peut de bord. Ouais, mais peut-être qu'il rêvait. Ah, ça se peut. Peut-être qu'il devrait. Ça fait des discussions bien intéressantes. Oui, mais la personne... Ben oui. Mais c'est ça qu'on veut, quand on pose des questions comme ça, on veut aller chercher de l'énergie de l'autre, dans le fond, on veut s'étayer, puis on veut simplement se normaliser. Tu sais, ça se peut-tu pas, on va avoir la paix. Sauf que t'en as-tu vu là, oui. Bon, ben ça se peut. Mais qu'est-ce qu'il vient de faire là? Il y en a plein partout, les fantômes. Tu sais, un jour, t'en vois un. Si vous pourriez voir les fantômes qu'il y a là, vous... Ah, mais on s'imagine que quand on va... Dans ta maison, il y en a, voilà ça. Ah! Ton sous-sol. Ah, boy. Surtout quand... Vous verriez tout ce qui se promène, les oiseaux, les... Ça dort, tout ce qui dort est encore astral. Les oiseaux se cachent pour mourir chez nous. Ils se cachent pas pour mourir chez vous, ils se cachent, puis ils meurent, pas pareil. Chez vous. Mais on pense que lorsqu'on va discuter comme ça, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus chercher l'opinion d'autrui, chercher son consentement dans ce qu'on dit, qu'on n'aura rien dit, qu'on dit, ben là, je ne peux pas t'accompagner. Imaginez que Maxi, quand même, vous vous posez une question, je suis un fantôme, peut-être que ça te fait une rien. Bon, vous allez voir une autre personne qui ne connaît rien non plus, vous pouvez vous poser la question. Fait qu'elle vous dit, ah non, ça ne se peut pas. Là, vous y faites confiance. Après, ben elle, il arrive une affaire. Elle vient vous demander ça. Peux-tu? Elle vous dit non, elle vous fait confiance. Et vous êtes deux qui ne savez rien, puis vous faites confiance. Ouais. L'important, qu'à faire confiance à quelqu'un qui ne sait pas, au moins faites confiance à vous. Ou sinon, on va l'argumenter, puis on va encore perdre l'énergie au regard. C'est tu demandes à quelqu'un s'il te croit. Ça va dire non, ça ne peut pas. Mais oui, non, je l'ai vu. On ne dit pas question, bon, c'est argumenté. C'est sûr que tu l'as vu, ferme ta boîte, et puis ça finit là. C'est ça, être individuel, c'est sauver du temps. On peut discuter ensemble, mais on ne va pas voir quelqu'un pour se faire confirmer, pour se faire ajuster au niveau de l'idée. Tu comprends? Au niveau de ce qu'on a vécu. Je suis une bonne mère, je suis un bon père, je suis une bonne personne, il me semble que si, que ça, que ça. Souvent, les parents me posent des questions comme ça quand je fais des conférences sur l'enfant Teflon. Puis ça va être, est-ce que je fais bien de telle, telle affaire? Ben, votre enfant qui est heureux. Ben oui, puis vous, ben oui. Ben, vous faites bien de bon. Je veux rien savoir, moi, là, c'est correct. Moi, mais c'est parce que les voisins, puis la voisine là-bas, puis le professeur, puis... Écoute, ben, ça marche. C'est tellement plus facile. L'humain doit se rapatrier. Il doit revenir chez lui. Ça veut dire qu'il vit plus en fonction des autres. Ne plus vivre en fonction des autres, ça ne veut pas dire ne pas les aider. Ça veut dire que vous vous sentez bien habillé d'une telle façon, ça vous va, vous sortez. Vous échappez de la moutarde sur votre linge, ça, rien à foutre, c'est de la moutarde sur votre linge. Puis là, on commence à vivre, on est stressé, on transpire, on perd de l'énergie à cause de quoi? Si vous êtes tout seul dans le désert, ça va vous déranger la moutarde sur votre chandail? Non? Mais voilà, en public, c'est la même chose. C'est un désert d'humain. La personne là sans stresser, puis le monde la regarde. Il y en a qui vont vous regarder, ça, il n'y a aucun problème là. Et si vous avez la quantité d'entité qui vous regarde prendre votre douche, vous l'auriez habillé. Puis encore. Et dans ton cas, il n'y a personne qui va voir cette fois. Il va essayer une fois, lui. Fini. Sont tout rendus dans le sol, les pistons, là. Je vais s'installer une douche dans le sol, là. Je vais faire déménager. Ah, ça. C'est d'ailleurs des aspects en haut. On devrait faire un SOS fantôme avec lui, c'est facile. Vous avez des fantômes chez vous? Charles va aller prendre sa douche. Il ne manque plus après. Mais ce que l'humain doit comprendre, donc, c'est se centrer sur lui, hein, c'est important. En se centrant sur lui, il y a plus d'avantages. Premièrement, c'est qu'il garde sa sensibilité, donc il est capable de voir que telle affaire, c'est pas correct, bon, il voit des choses. Sauf que ça ne l'irrite plus. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, prenons l'exemple, bon, moi, l'exemple, moi, je suis extrêmement sensible, les conneries, je peux vous en parler en masse, sauf qu'elles ne me démoralisent pas. Pourquoi? Parce que j'ai immédiatement, quand on se sent suffisamment sur soi, donc quand on est suffisamment individuel, ça prend un laps de temps. Pendant un grand bout de temps, vous n'allez pas vous croire, vous allez toujours penser que vous n'avez pas le diplôme spirituel pour vous faire confiance, et patati patata. Progressivement, on finit par être capable de commencer à s'écouter. On se trompe souvent! On n'a rien à foutre, tout le monde se trompe souvent! Fait qu'allez voir quelqu'un qui se trompe souvent pour me dire si j'ai raison, j'ai mon temps de le dire moi-même, au minimum, j'apprends. Et progressivement, ce qui va arriver, c'est quand l'humain devient son seul maître, du point de vue de sa psychologie, progressivement, il se sent dans son esprit, dans son intelligence, puis il commence de plus en plus à avoir raison, mais uniquement pour lui. Et si on est collectif, vous savez, l'évolution, c'est individuel. La porte, là, pour passer, tout petit, on passe un à la fois. Alors, si on arrive à 300 000 ou 400 000, parce qu'on arrive de la famille au complet en arrière, ça ne passera pas bien. tout le monde veut passer en même temps, en plus, et moi je passe avant, l'autre passe pas tout de suite, on l'attend, en tout cas. Ce qu'il faut comprendre, il faut être individuel. Être individuel dans sa conscience, ça impliquera nécessairement que vous aurez raison, toujours et uniquement pour vous. Donc, si vous allez, quand vous avez raison pour vous, vous allez demander aux autres si vous avez raison pour vous, bien nécessairement, les autres, ils vont vous donner la raison pour eux. Et là, vous pouvez commencer à vous argumenter. Moi, là, je prie Dieu, puis je suis sûr qu'il me parle. Ça se peut. Mais demandez-moi pas à moi si ça se peut. L'humain doit apprendre à supporter seul le fardeau de sa paix. Parce que ça, c'est bien plus compliqué à supporter quand ça va bien que quand ça va mal. Supporter la paix, le bonheur, le malheur aussi. Les personnes ont plus de difficultés à supporter seul leur bonheur que leur malheur. Leur malheur, ils se renferment dans le coin. Le bonheur, il y a bien de la misère à supporter sur l'humain. L'humain doit conserver ses énergies. C'est vrai que c'est ça qu'on veut communiquer le plus. Quelqu'un te demande comment ça va mal, mais tu vas dire que ça va bien. Parce que on veut communiquer à l'extérieur. Voilà. C'est rare que, à moins qu'il y en a que. Il y a toujours des exceptions qui se plaignent tout le temps. Ouais, mais l'exception des exceptions. C'est ça. Mais la majorité vont plutôt faire semblant que ça va bien. Parce qu'ils ont des difficultés à supporter. C'est stéréotype social aussi, évidemment. Puis allez dans le métro et demandez à quelqu'un, es-tu heureux? La personne elle vous répond oui. Mais vous croyez, vous n'allez pas le croire. On vit dans une forme, en tout cas, il y a un paquet d'affaires qu'on pourrait choisir, mais si on revient à la finalité humaine, l'humain qui, à un moment donné, se centre sur lui, commence à avoir suffisamment de contact avec sa conscience, et ce qui va arriver, c'est que progressivement, l'humain va entrer en contact avec des choses qu'il ne connaît pas. Et quand je dis « va entrer en contact », ça ne lui dit pas dans sa tête « allô, allô, bonjour, c'est moi, il est 8h25, c'est l'heure de te lever ». C'est pas ça qui se passe. La personne, elle devient sensible, puis subitement, elle se dit « pourquoi que… » puis là, en même temps, elle comprend le « pourquoi que ». Elle en pose de moins en moins de questions et elle comprend immédiatement ce qu'elle a besoin de comprendre lorsque c'est nécessaire. Là, elle se rapproche de la finalité humaine, c'est-à-dire qu'elle n'est plus un être qui est totalement assujetti à la tradition puis aux mémoires, c'est-à-dire qu'il est assujetti à l'essai et erreur. Essaye, ça marche pas, tu sauras. Je sais pas, je prends la bonne décision. Prends-en une des deux. Si tu causes la gueule, on saura que c'est trompé. C'est tellement, ça marche de même présentement. Progressivement, l'humain finit par être tellement vibratoire, tellement sensible, ça ne le dérange plus et il prend toujours les décisions qui sont absolument les plus impeccables. En réalité, il se laisse simplement cheminer dans la vie, il ne décidera plus. Est-ce que la finalité, c'est que ça ne te dérange plus de te tromper ou c'est que tu te trompes plus? Non, tu regardes un paquet d'aliments à manger, là, et puis tu te dis, tiens, bon, il est en petite touche. À un moment donné, il y en a un qui te plaît. Tu ne dis pas, je décide de prendre celui-là. C'est même pas nécessaire, tu ne peux pas décider de prendre un qui ne te plaît pas. Prends celui-là. Pourquoi? Ben parce que c'est celui-là qui me plaît le plus. T'as-tu décidé? Ben, j'ai pas besoin de décider. C'est celui-là qui me plaît le plus. Mange-le, c'est le meilleur. C'est le plus ajusté à toi. L'humain, progressivement, là, se rapproche de la finalité. Ce qui va arriver progressivement, c'est que la personne, elle va donc finir par établir un contact total entre son esprit et les mémoires de son esprit, donc son âme, son ego, ce qu'elle pense qu'elle est. La personnalité qu'on exprime souvent finit par être détruite progressivement, ça devient une personne. Vous allez être des personnes et non pas des personnalités. Ce qui va faire en sorte que vous allez être capable de reconnaître la valeur de ce que vous êtes en fonction de ce que vous êtes et non plus en fonction de ce que les autres pensent que vous êtes. Par exemple, je suis médecin, alors automatiquement je me donne la valeur à cause du poste. Quand on finit par être centré sur soi, on devient une personne. Je n'ai pas de valeur à cause du poste, j'ai une valeur à cause de ce que je suis. Puis elle n'est pas comparative, je n'ai pas à me comparer. Je n'ai pas de la valeur par rapport à. J'ai de la valeur en tant que valeur absolue. Et ça, l'humain va vivre ça de plus en plus. Donc, l'humain va commencer à s'aimer. S'aimer, ça veut dire qu'il ne se sent jamais attaqué. Donc, il ne se défend plus. Ça, c'est une valeur intrinsèque. Ce n'est pas une valeur qu'on va chercher de l'extérieur. Non, ou, c'est une valeur absolue. C'est ça. Elle est libre. Alors, la personne s'aime de plus en plus. La personne, elle va être capable de supporter sa conscience sans problématique. Elle va être capable d'être heureuse sans problématique, sans sentir coupable d'être heureuse alors qu'elle voit du monde malheureux. Un collectiviste encore. Puis il y en a plusieurs ici qui ont des égos qui les empêchent d'avancer ou d'être heureux ou d'être riche parce qu'ils se sentiraient coupables. Je ne parle pas de la tête, je parle de l'ego. Des fois, la tête aveugle, mais l'ego ne veut rien savoir. Et progressivement, la personne qui va être suffisamment centrée va commencer à développer un double éthérique, c'est-à-dire qu'elle va commencer à développer un troisième cerveau, on en a parlé un peu à un moment donné, c'est-à-dire que dans un contexte plus énergétique, elle va développer un réservoir qui va faire en sorte que la personne va être capable de ramasser de l'énergie. Cette énergie-là, c'est ce qui va permettre à la personne progressivement de commencer à être créatrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne sera pas une inventeuse. Un inventeur, c'est quelqu'un qui prend des problématiques qui existent déjà, il fouille dans la technologie du passé, puis progressivement, il arrive peut-être à améliorer les choses. Une personne qui est créatrice, c'est une personne qui amène du neuf. C'est pas une personne qui reforme le vieux. Est-ce que les deux sont originés par le besoin d'une solution à un problème? Non. Être inventeur, c'est souvent créé par une manipulation astrale d'une expression de quelqu'un qui veut absolument s'exprimer. Donc, on est forcé à faire de quoi? Les artistes, c'est souvent ce qui va leur arriver. Ils sont malheureux tant qu'ils n'auront pas laissé exprimer l'entité qui vient les chatouiller. Alors, soit en musique, soit en peinture, etc. Et une fois que c'est fait, ça va bien. Alors, on peut prendre l'exemple le plus connu, c'est Van Gogh, qui verrait carrément fou s'il ne peut pas s'exprimer. Mais Gauguin aussi, qui a eu un bon paquet. Amadeus, c'était pas fort quand il jouait au piano. Mozart, sans ça, il était malade, hyperactif, c'est tout ce qu'on voudra. La personne qui invente, il y a toujours l'invention par accident, qu'on va dire. Bon, ben, ça existe. Ça, c'est l'essai-erreur, c'est l'expérience. La créativité, tu n'as pas besoin de raison pour être créatif. Et subitement, ce qui va arriver, c'est qu'il y a des choses qui vont descendre chez toi. Puis ça va être des solutionnements intéressants. Au départ, ça va améliorer vos conditions de vie. Au départ, l'intelligence supramentale, l'énergie christique, l'intelligence active, appelons ça comme on voudra. Quand ça commence à s'exprimer, ça améliore notre condition de vie. Pourquoi? Parce que c'est de l'intelligence qui vient s'exprimer. L'intelligence est toujours écologique. En fonction, évidemment, du milieu. En fonction de l'arbre qui pousse dedans. En fonction de l'humain. Elle est écologique pour l'humain. En fonction de l'humain. OK. Attends. Comme toi, tu comprends rien, tu as de l'intelligence, elle va te taper dedans. C'est écologique, il faut que tu comprennes. Elle n'est pas écologique en apparence, en tout cas pour l'ego. Pour la conscience astrale, souvent qui regarde, la personne va encore trouver que c'est pas correct, qu'elle a perdu son emploi, elle a peut-être perdu ses amis, etc. Elle est peut-être malade, elle est peut-être ceci, elle est peut-être cela, puis on va dire, écoute, ça c'est l'intelligence qui te tape dedans. Oui, mais c'est parce que tu es suffisamment intelligent, parce qu'on n'applique jamais rien. À partir du moment où on applique une résistance à l'intelligence, là, il y a de la souffrance. On commence à souffrir, mais d'une souffrance qui est neuve, il y a la souffrance du mental, il y a l'écœurement qui peut arriver. Ça déploie l'ajusteur de pensée, ça le connecte au plan supramental. Progressivement, la personne, elle est capable maintenant d'envisager. Faites attention, quand je dis vous allez avoir des réponses, c'est pas des réponses comme moi je vous les donne. Vous allez savoir des choses. Et savoir quelque chose, c'est pas le savoir en mots, c'est pas faire une conférence là-dessus. Savoir une chose, ça peut être faire une conférence, ça peut être écrire, ça peut simplement être heureux, ça peut être mieux dormir, ça peut être mieux éduqué, ça peut être mieux entretenir son corps en santé. C'est de savoir. Souvent les gens, puis ça c'est une question d'ego, de mémoire. L'information que l'humain a besoin, c'est une information qu'il est capable de retenir. Quand on vient d'une conférence de Daniel Kim, puis on se dit, ouais, mais j'ai rien tenu de ce qu'il dit, il parle trop vite, puis bon. C'est pas ça qui est important. La conférence, elle est énergétique. On ramasse des mots, on ramasse des informations. Quand on était des fois d'accord avec ce qu'il dit, puis on apprend des choses quand on était prêt à être clarifié, puis on rejette d'autres choses. Mais c'est pas ça qui est important. C'est une question d'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, quand elle commence à savoir, l'ego a tellement appris de choses en fonction de la mémoire, que pour que ça puisse vous servir, vous devez vous rappeler comme vous l'avez appris. Alors, vous devez vous rappeler en mots. Qu'est-ce que Khalil Gibran avait dit? Il avait dit. Qu'est-ce que... un autre a dit? Qu'est-ce que... Bon, on doit se rappeler en mots pour que ça nous serve. Mais là, savoir, c'est instantané. C'est pas de la connaissance, c'est pas des choses apprises. Ça veut dire que le savoir n'arrive pas avec des mots. Tu regardes un coucher de soleil, à un moment donné, tu te dis, maudit, l'autre était plus beau hier... L'ajusteur de pensée ajuste la pensée, puis là, tu te dis, hé, que je suis niaiseux, tu sais, c'est le soleil, c'est le coup de soleil, il est beau aussi. Mais c'est pas comme ça que ça va arriver. C'est pas en mots comme ça. Tu disais, il me semble que c'est. Bon, on regarde le soleil. Ça, c'est le savoir. L'humain n'a pas besoin d'apprendre tout au niveau du par cœur. On est habitué, puis la tradition, ben, c'est encore la tradition, c'est aussi la mémoire, mais que tu prends des slogans comme la presse, je pense, donc je suis. On ne peut pas dire, c'est vraiment relié à la mémoire, c'est pas je sais donc je suis, c'est je pense donc je suis, ou je pense donc je lis. Mais c'est exactement ça, tu peux penser uniquement sur la base d'information. Le savoir, c'est pas une question de penser, c'est une question de savoir, tu le sais, tout de suite, c'est bon moment. Je pense donc je suis, on sait très bien que c'est je pense donc j'étais. Tu n'es pas. Quand vous êtes totalement vivant, vous ne pensez pas. Bon, si on vient encore avec la balle de baseball qu'on lance à quelqu'un, s'il se met à penser, il va l'avoir sur le nez. S'il l'attrape, au lieu de cela, il l'a pas sur le nez. Est-ce qu'il a pensé? Non, il n'a pas pensé. Avais-tu des problèmes financiers tant qu'il fallait que tu attrapes la balle? Non. Avais-tu chaud? Non. Avais-tu froid? Non. Y avait-tu un problème? Non. Qu'est-ce une question existentielle? Non. Qu'est-ce qu'il y avait? Ben, rattraper la balle. Tu étais. Là. Puis quand tu l'as attrapé, ben là, on aurait pu dire, tu es. Est-ce que la finalité de l'humain, c'est ça, être? La finalité de l'humain, c'est de se désassujettir totalement de toutes les mécaniques qui sont mémorielles. Il n'y en a pas besoin. J'ai pas besoin, moi, de savoir dans ma mémoire où j'habite. L'important, c'est que je m'y rende. Je pensais que t'as pas dit en autant que ma femme nous s'en rappelle. Non. L'important, c'est que je m'y rende. C'est un peu comme la mémoire. La mémoire, une chance qu'elle est quand même relativement spontanée au niveau de sa gestion. Présentement, est-ce que vous vous rappelez ou vous restez? Tu me poses la question, oui, hein? Mais juste avant, non? Bon. Là, je suis correct. Économie de l'Église. On va installer une douche, ça. Faut-il prendre ta douche dedans? Mais il y avait les égaux en sortir. Ça partait des fantômes. J'aime mieux les entités que les fantômes. Oui, les entités, j'en ai des anticafés aussi. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est ce qui est très important, c'est que votre mémoire, elle est là uniquement quand vous en avez besoin. Et le problème d'une personne qui n'a pas de mémoire et qu'on va dire qu'elle n'est pas intelligente, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, c'est de l'intelligence, c'est la personne qui n'est pas capable de se rappeler ce qu'elle a appris lorsque c'est nécessaire. L'intelligence supramentale, l'esprit finalement, la finalité humaine, c'est la capacité qu'aura l'humain de se rappeler de rien. Parce que c'est pas nécessaire. De ne pas avoir besoin de mémoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mémoire ne viendra plus se déverser dans ta conscience, dans ta tête. Autrement dit, vous avez un accident d'automobile, puis deux secondes après, vous rembarquez dans une automobile, puis vous n'en rappelez pas que vous avez eu un accident. Alors, ce qui va arriver, c'est que vous n'aurez pas le traumatisme, vous n'aurez pas la problématique. Les maladies psychosomatiques seront créées par ça. On est jeune, puis à travers toute notre vie, on ramasse tellement de belles dans l'inconscient, dans la mémoire, mais une mémoire qui ne vient pas nécessairement très lucide dans notre tête. Et ça vient hanter notre inconscient, notre conscience, ça nous manipule, on finit par penser que les personnes qui sont habillées avec des manteaux de cuir, par exemple, ne sont pas correctes. Apparemment, c'est ça quelque part, etc. Toute l'expérience de société, et on finit par devenir traditionnaliste, totalement fermé au neuf. L'humain n'a pas besoin de mémoire. Et parce que l'humain est totalement axé sur la mémoire, il est convaincu que s'il n'y a pas de mémoire, il ne pourra pas rien faire. C'est la médiocratie, hein, le médiocrisme de l'ego. Quand l'humain se centre sur lui, progressivement, l'humain va se brancher sur son esprit, c'est-à-dire que l'humain se branche dans l'intelligence supramentale, et la personne ne se rappelle de rien. Tout ce qui va y arriver, par exemple, c'est que là, j'ai besoin de mes clés. Elle ne se dit pas ça. Elle prend ses clés. Dans quelle poche? Elle a 25 poches. Elle prend les clés dans la bonne poche. C'est tellement plus intelligent. De toute façon, au niveau de la mémoire, c'est vraiment l'inverse. Assez souvent qu'il arrive, comme on ne peut pas la contrôler. Mais c'est à cause de l'ego. Tu as 25 poches, commence à la dernière, tes clés sont là. Puis on commence, aller passer un examen de physique. Ça fait 3 mois que tu étudies la physique, tu as tout retenu. Ah, mais la journée où tu passes l'examen, tu n'as pas la mémoire. Tu l'as le lendemain, tu l'avais la veille. Ça fait partie des structures d'involution des mécaniques astrales qui manipulent l'humain au complet pour continuer à obliger l'humain à croire qu'il ne vaut rien. Alors que l'humain, c'est autre chose que ça vaut rien. À travers tous les problèmes que l'humanité a connus depuis le début, on est encore là. C'est boulot. On est quelque chose. C'est absolument génial. Si on ferait juste regarder le contexte planétaire avec ses volcans, ses tremblements de terre, ses épidémies, ses virus, ses microbes, ses bactéries, tout est là pour tuer l'humain. Sans compter la mécanique astrale qui va faire en sorte qu'on voudra dominer sur les autres peuples, qu'on voudra ramasser ce qu'ils ont, qu'on sera que sentira coupable des problèmes qu'on n'aura jamais créés. C'est tout ça au complet. On doit aller à l'école, on a même formé des écoles pour mettre de la mémoire là-dedans. La mémoire va devenir un problème. Mais l'humain, c'est quelque chose. Bon, je fais juste dire, voyez, j'ai un verre ici, là, fabriquez-en un. Allez voir ce que c'est que l'humain. Il y a de la lumière ici, fabriquez-en. On ne peut pas rien faire. Marietta n'est capable de tout faire, c'est l'humain qui a tout fait ça au complet. On prend une automobile, il y a du métal, ça c'est du minerai pris sous terre. Il y a du caoutchouc, il y a des pneus avec des pneus radio, avec des petites antennes de métal là-dedans. Hein? On a des roulements à billes, on a tout un paquet d'affaires. On pollue des choses, il faut qu'on apprenne par l'expérience. Mais ce que je veux dire, moi, c'est que prenons un être humain, des avions-là, placons-le sur une planète quelque part, puis regardons ce qu'il va faire. On va dire qu'il ne va rien faire. Placez-en une coupe, ils ne vont rien faire pendant 2-3 000 ans. Pendant 4-5 000 ans, peut-être. Pendant 10 millions d'années, peut-être. Puis retournez-y 35 millions d'années d'après, vous allez voir. Ils sont assez confortables, ils ont des lampes, ils ont de l'électricité, puis ils commencent à se conscientiser qu'il faut qu'ils cessent de polluer, ils sont capables de voler, ils vont dans l'espace. Torieux, c'est quelque chose, l'homme. Est-ce que la finalité humaine, c'est de partir du plan terrestre? La finalité humaine, c'est d'être capable de ne plus avoir besoin d'avion pour voyager. C'est d'être capable de ne plus être malade, de ne plus avoir besoin de manger, de ne plus avoir besoin de sommeil. C'est être totalement désassujetti du contexte prédatorial. J'ai expliqué la semaine dernière que l'humain est... Le rôle fondamental de l'homme, la femme et l'enfant, c'est de s'émanciper pour faire en sorte que la conscience puisse venir s'exprimer dans la matière. Donc, l'humain est de prime abord matériel, vital, astral, mental, supramental. Finalement, il va être bouddhique, il va être intentionnel. Ça se fait facilement. La problématique, c'est que l'humain s'est assujetti à une mécanique astrale qui était reliée à des structures d'évolution qui ne regardent pas l'humain. Et ça, c'est la majorité des vecteurs théologiques des religions. Alors, l'humain va vivre une culpabilité, alors que l'humain n'a pas donné barbette. L'humain va vivre des désirs, des espoirs, pas quelque chose dans le genre. L'humain va s'engueuler. On fait regarder les couples qui s'engueulent tout le temps. Pourquoi on s'engueule? Quand avez-vous eu raison de vous engueuler, de vous disputer avec quelqu'un? Quand avez-vous eu raison de vous disputer avec quelqu'un? Mais toutes les fois que c'est moi qui commence. Esthétiquement parlant. Toutes les fois que c'est moi qui commence, j'avais raison. C'est les fois qu'il gagne. Non, mais... Si on regarde l'idée... Intelligemment, il ne devrait jamais y avoir de dispute. Oui, il ne devrait pas. Il n'a pas de raison. Ben, intelligemment, il n'y en a pas. Mais dans la vie, il y en a. Ça ne veut pas dire que la vie... Parce que l'humain, il continue à être assujetti à des égrégores particuliers. Alors, j'expliquais dernièrement que les égrégores de couple, par exemple, sont faire en sorte que deux personnes décident de vivre en couple. Puis progressivement, ils vont commencer à agir comme toutes les couples ont agi sur la planète. Bon, tu as des égrégores d'ascenseur, j'expliquais souvent. Hein, vous prenez l'ascenseur, vous le prenez comme la majorité des gens prennent l'ascenseur. Vous placotez entre vous autres, quelqu'un rentre, fermez vos boîtes, quand il sort, vous continuez à placoter. Bon, puis quand vous rentrez, vous placez tout petit, vous prenez un coin, du monde là-dedans. Bon. Puis là, quand il y a des jeunes qui ne sont pas accrochés là-dedans, ils continuent à gueuler et à crier, là, on se sent mal élevé, ils ne sont pas connectés à l'égrégore des ascenseurs. Bon, il y a toute une mécanique comme ça. L'humain est totalement manipulé par des mécaniques. Sauf que si l'humain se désassujettit de cela, en quelques centaines d'années, l'humain va totalement s'en sortir. Puis là, ça fait des fois quelques millions d'années qu'on s'entraîne. Il ne reste plus grand-chose pour qu'on s'en sorte. Est-ce qu'on va s'en sortir de notre vivant? Oui, bien, c'est évident, on s'en sort où de son vivant? Ben, dans quelle vie? Oui, c'est ça, dans quelle vie? C'était la question. On s'en sort de où de son vivant? Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que c'est maintenant à un terme, parce que j'aime pas tes réponses, ça sera pas long, tu sais, ça sera pas long, ça peut être dans 275 millions d'années. Ça, c'est moyen terme, quand même. Ça, c'est moyen terme. Est-ce que les gens vont s'en sortir de ça dans cette vie-ci? Je parle d'atteindre cette finalité-là, d'être centré sur soi, puis je parle pas de voyager nécessairement avec le double éthérique, là, dans les mois qui vont venir, mais de se centrer, d'être moins manipulé par les émotions, etc. C'est tout ce que les personnes ont à faire. Vous savez, Daniel Kim, il a une utilité, c'est qu'il brasse des énergies, c'est juste ce qu'il fait. L'information qui est communiquée, si on la comprend, c'est parce qu'on le savait déjà, sauf qu'on ne se fait pas confiance. Ça brasse des énergies, ça brasse des choses. Chaque personne ne peut pas faire, ne devra s'en sortir tout seul. On peut être 25 à s'en sortir tout seul ensemble. On est 25 tout seul. On n'a pas les confirmations par autrui, etc. Par contre, énergétiquement, on peut s'entraider. Ça crée des synergies. C'est intéressant. C'est intéressant d'être en groupe. Être en groupe, ça ne veut pas dire être collectif. Ça veut dire que corporellement, on est collectif. Au niveau de la conscience, on est tout seul. Comme j'ai expliqué souvent, tout le monde est d'accord avec vous, suivez-les. Ils sont tous contre vous, lâchez-les. C'est facile. Donc, le temps que vous étiez avec, vous n'étiez pas collectif. Vous étiez vous-même. Ça avait de l'allure, on le fait en groupe, c'est tellement un peu intelligent. Ça n'a pas de sens, on lâche. Et comme j'expliquais de temps en temps, une personne qui vient pas à une conférence, par exemple un vendredi, puis qui se dit chez elle, merde, je vais pas à une conférence, je vais manquer des choses, puis c'est pas correct, puis etc. Et tant qu'elle commence à lâcher, là, parce que ça devient une tradition, ça devient une drogue, son affaire, donc elle est totalement assujettie aux conférences. Dans n'importe quoi, c'est la même chose. Mangez plus de sucre pendant 2 semaines pour voir ce que ça donne. Vous allez avoir des problèmes? C'est une drogue, le sucre. Parce que ça se transforme en alcool dans le corps physique. Ceux qui ont besoin de sucre sont des alcooliques. Ben, des à petite dose. Ouais, assez pour ramasser quelqu'un sans arrêt. C'est un alcool qui c'est comme si on t'en donnait sans arrêt un tout petit peu, le temps qu'elle fermente, etc. Bon, l'alcool, c'est du sucre fermenté. Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que l'humain doit devenir individuel. Plus l'humain va devenir individuel, plus l'humain va être capable de s'en sortir tout seul. L'humain va avoir des phénomènes de conscience. Énergétiquement, moi, bon, j'ai quelques pas d'avance sur certains, sur certaines, ce qui fait que j'amène de l'information qui est facilement digestible pour les individus. Et tout ce qu'il faut que les personnes fassent, c'est que les personnes mettent en pratique. La première chose qu'il faut mettre en pratique, c'est de cesser de penser qu'on a les barbites. Mais les gens pensent toujours qu'ils ont un libre-arbitre. Parce que si on pense qu'on a un libre-arbitre, nécessairement, on va se sentir coupable de manquer notre coup. Alors qu'on est pas rien, là. On n'est pas coupable de rien. C'est pas notre faute. Puis quand les gens me disent, ouais, mais si je décide que je ne suis pas coupable, ça veut dire que je vais aller faire un vol de banque demain matin, puis c'est pas ma faute, je suis manipulé. C'est vrai. Allez-y faire un vol de banque demain matin. Vous allez voir, vous êtes manipulé. Vous ne pourrez pas le faire. Vous n'êtes pas bâti pour ça. Non, tu vas te manipuler à te faire enfermer en prison. Les policiers vont te manipuler à t'arrêter. Mais ce qu'il faut comprendre, simplement, c'est que l'humain, si vous avez un libre-arbitre, ça veut dire que vous allez décider immédiatement d'être heureux et d'être heureuse, puis c'est réglé. Ça ne fonctionne pas, on vous charrie. Vous allez décider immédiatement que le billet de loterie, vous allez acheter, c'est le billet gagnant. C'est pas celui-là. C'est pas le libre-arbitre, il va où? Vous allez décider maintenant que tout ce que vous allez faire est parfait et bien. Faites encore des erreurs. Merde, le libre-arbitre, il est où? Hein? Ça sert à quoi? Mais dans le même sens, si on décide de se centrer, ils vont décider de s'encore, c'est encore une farce. Ça, par contre, ce qui va arriver, non, c'est pas une farce, c'est oui, c'est une farce. Le paradoxe de la conscientisation, c'est que toi, tu t'arranges progressivement pour manipuler le manipulateur. C'est-à-dire pour te mettre suffisamment d'informations au niveau de ton ego, au niveau des structures de manipulation. Il faut que je sois manipulé à vouloir manipuler le manipulateur. Non, parce que ta conscience est capable de le voir. C'est ça que l'humain ne comprend pas souvent. La conscience, elle n'est pas manipulable, elle n'est pas manipulée, elle est libre. Mais Je te pose une question, toi. Alors, allons-y. OK? Garde pas de réponse. Tu es quelqu'un comme ça sur la rue, là. Tu sors à un moment donné, tu vois quelqu'un qui passe, tu descends. C'est correct ou pas correct? C'est pas correct. Où t'as appris ça? Dans une conférence de Daniel Kemp, le numéro 200. Mais où t'as appris ça, que t'as pas connu? Ça m'irait pas. Il n'a pas appris ça nulle part, il n'a pas besoin de l'apprendre. La conscience, c'est ça. On ne pourra pas te manipuler. Pour te manipuler à tuer quelqu'un, il faut qu'on t'ôte la conscience, qu'on te drogue ou qu'on te manipule bien lentement pendant des années à t'organiser astralement pour éliminer la conscience. Il va même peut-être falloir qu'on altère ton corps physique pour qu'elle puisse plus s'exprimer dedans. Puis après ça, en te reprogrammant, tu vas faire des choses. La conscience, l'humain, il a la conscience. Et c'est cette conscience-là, à un moment donné, qui va faire en sorte qu'elle va commencer à reprogrammer tes structures d'ego. Les psychothérapies de reprogrammation. Le positivisme de reprogrammation. La méditation de reprogrammation. Aller voir un film, lire une reprogrammation. Une conférence de reprogrammation. Et là, la conscience, elle va te faire en sorte que tu sois reprogrammé pour que ce qui manipule l'humain t'amène toi exactement là où la conscience ou l'intuition aille. Parce que ta conscience, vous entendez, ne contrôle pas ton corps, elle ne contrôle pas ta vie, c'est pas assez mal contrôleur chez toi. La personne va dire, oui, je veux cesser d'être en colère, d'être coléré. 2 secondes après, à fort, être en colère. Mais elle voit qu'elle est en colère, elle est en colère parce qu'elle est en colère. Pourtant, sa conscience sait ce qu'il faut. Alors, à un moment donné, la personne va placer juste ce qu'il faut pour manipuler ce qui manipule pour que la personne se dirige. Manipuler vers ce que la conscience veut avoir. Manipuler dans la bonne direction. On va revenir un peu encore sur les finalités. Vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet. Mais, Richard, on se passe bien. De quoi?